Félix Vallotton, La vie meurtrière. Avant-propos. Le 28 juin 1800, à 9h du matin, le commissaire de police du quartier de la Muette posait, en arrivant à son bureau, la question habituelle. « Quoi de neuf, Boulot ?» À quoi le secrétaire répondit, comme toujours, « Rien de particulier. Des lettres ? Sur la table ? Quel temps ! » dit encore le commissaire en retirant son pardessus. Ces deux mots, additionnels à ceux qu'ordonnaient les stricts rapports de service, marquaient dans l'esprit de l'honorable fonctionnaire la dose de familiarité due par le supérieur aux collègues obscurs. Qu'il plût à torrent, d'ailleurs, ou que, comme ce jour-là, le soleil fut radieux, les termes restaient identiques. À l'inférieur, la charge d'en préciser le sens. Cela dit, monsieur le commissaire passa dans son cabinet. Les trois premiers déplis, classés par rang de taille sur son pupitre, ne contenaient, on veut l'espérer, rien d'urgent, car monsieur le commissaire se contenta, des lectures, de les jeter au panier. Au quatrième, par contre, il héla Boulot, dont aussitôt la tignasse apparut. « Boulot, un suicide. Homme ? Oui, rue des Vignes. Il faut y aller. »« C'est peut-être une blague, » insinua le secrétaire, qui n'aimait pas le mouvement. « Possible, mais il faut y aller tout de même. » Bah, le quartier est joli, ça nous fera une promenade. Prévenez Poirot et Rabelais, je descends. » Le secrétaire disparut et monsieur le commissaire acheva son courrier. Je veux dire qu'il prit la peine d'ouvrir ce qui en restait avant de l'envoyer au tas. Sur quoi, son pardessus renfilé, il mit son chapeau et descendit au poste où les deux agents l'attendaient. Sur ses talons, la pièce rentra dans le silence administratif. Au mur, une éphéméride tremblota. Dans le panier, la correspondance du jour agonisait sur celle de la veille avec d'imperceptibles craquements de papier mal froissé. Les papiers des pauvres, mous et résignés, moururent presque tout de suite. Les papiers élégants y mirent un peu plus de temps, mais à peine. 111 rue des Vignes, la concierge ne fut pas peu surprise de voir cet appareil. Effarée d'abord par l'appel d'un timbre impérieux, plus que de raison, elle se calma devant les uniformes, invoqua sa sciatique et feu son mari, et se disposait à entrer dans des histoires quand le commissaire lui coupa la parole. « Monsieur Jacques Verdier ? Au troisième, la porte à gauche. Est-il chez lui ? Je ne l'ai pas vu descendre. Avez-vous la clé de son appartement ? Oui, monsieur le commissaire, c'est moi qui fais son service. Parfait, montrez-moi le chemin. » Un homme qui était si tranquille. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Murmurait la digne femme en prenant la tête de la colonne. Gémissante, et tant bien que mal, elle se hissa jusqu'à l'étage. Arrivée devant la porte, ses jambes flageolaient. « C'est ici, monsieur le commissaire. Frappez un peu pour voir. » Pas de réponse. « Ouvrez alors. » La clé finit par trouver la serrure et tourna deux fois. Dans l'escalier, des galons luisaient au képi de l'ordre, quelqu'un se moucha. Monsieur le commissaire entra le premier. La chambre était obscure, les rideaux clos. « Voilà mon affaire, dit-il, en apercevant dans un fauteuil la forme sombre d'un corps affalé. Mais d'abord de la lumière. On tira les rideaux et l'homme apparut. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Se mit aussitôt à glapir la concierge. Ce pauvre monsieur Verdier! Du calme, dit le secrétaire avec autorité. Puis, comme il ne manquait pas d'esprit, il ajouta, paterne, « Vous ne le réveillerez tout de même pas, hein ?» Vu les circonstances, personne n'osa rire. Pas même les deux gardiens de la paix, qui cependant étaient bon public. D'ailleurs, le commissaire précipitait les choses. « C'est bien le nommé Jacques Verdier ? » dit-il à la concierge. « Vous le reconnaissez ?»« Oui, monsieur le commissaire, c'est bien ce pauvre monsieur. Oh, dans quel état le voilà mis ? Vous pouvez retourner à votre loge, on n'a plus besoin de vous. Oh, »« Vous êtes bien honnête, monsieur le commissaire, une histoire pareille, au 111, j'en ai la chair de poule. Allez, allez !» La préposée revint donc à ses fonctions, bouleversée, mais non sans tout d'abord porter la nouvelle aux voisins du carré, à ceux d'en haut, à ceux d'en bas, à ceux d'à côté et à ceux d'en face. Pendant une demi-heure, toutes les portes battirent dans l'immeuble. Nous disons Jacques Verdier, 28 ans, continuait le magistrat, qui tenait en main la lettre du défunt. Je me tue volontairement et pour des motifs personnels. Je n'ai ni parents, ni enfants, ni amis. Je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Je laisse dans le tiroir de mon secrétaire 1500 francs en or et 5000 en billets, plus une liasse de titres et d'obligations que je donne à l'assistance publique. Je réclame la fosse commune et prie monsieur le commissaire de police qui fera la constatation de bien vouloir accepter, pour lui personnellement, le pli cacheté qui se trouve sur ma table. Il fera de son contenu l'usage qu'il voudra. « Procédons régulièrement, » dit le commissaire qui se sentait troublé. Il ouvrit le meuble. Les choses étaient bien en ordre, les billets, les 1500 francs et les titres. Sur la table, à côté du revolver, le pli cacheté, portant pour toute souscription, à monsieur le commissaire de police. « Allons, puisque c'est pour moi !» Et il rompit le cachet. Une deuxième enveloppe apparut. Avec ces mots en grosse capitale, un amour. Monsieur le commissaire supporta très bien le coup, et de ses sentiments rien ne transpira. Ah bon, dit-il, je vois ce que c'est. Puis il fourra le paquet dans sa poche et tout de suite revint aux affaires sérieuses. Boulot, vous rédigerez le procès-verbal. Poirot, vous préviendrez la mairie et l'état civil. L'histoire est simple comme bonjour. » Et jetant un coup d'œil au mort, dont la tempe saignait. « Ah, le bougre, il ne s'est pas raté !»« Ça non, risqua Rabelais, qui ne manquait pas une occasion de se montrer dans le service. Vous restez de piqué en attendant le médecin. Nous autres, en route. » L'instant d'après, Rabelais, demeuré seul auprès du cadavre, tâchait de se livrer à des réflexions. Mais il était peu doué et n'y parvint pas plus qu'à son ordinaire. Aussi, pour suppléer à cette disgrâce, se mit-il à admirer, sans les comprendre, les images qui pendaient au mur. Pour ce faire, il marchait prudemment, gêné par le bruit de ses bottes, et faisait de grands cercles autour des sièges. À déjeuner, monsieur le commissaire, pour décharger son veston, jeta le manuscrit dans l'assiette de son épouse. Elle le trouva sous sa serviette, en lut distraitement quelques pages et n'y prit aucun plaisir. Sa femme de chambre le recueillit plus tard, gisant dans quelque coin, et, ne sachant qu'en faire, elle le passa à son amant, élève architecte à l'école des beaux-arts. Celui-ci en parla à divers amis chevelus qui, le soir, au café, rêvaient de fonder une revue. Séduit par sa gratuité, la publication d'un amour fut par eux, en principe, décidée. Malheureusement, l'idée ne germa point. La jeune revue ne vit jamais le jour. Ses fondateurs firent couper leurs cheveux et un amour sombra dans les poussières bien connues de l'oubli. C'est de là que nous le tirâmes, pour le donner ci-après, intégralement et dans sa fleur. Nota, nous nous sommes crus en droit de substituer au titre un peu désuet, donné par l'auteur défunt, celui plus épicé, d'un meurtre. Note, remplacé enfin par celui de la vie meurtrière. Fin de la note. La différence n'est pas si grande qu'on pourrait croire d'ailleurs, et chacun verra bien, après lecture et selon ses expériences personnelles, combien les deux sens se juxtaposent. Ils sont quasi synonymes.